2010. Check ça. J'ai toujours foncé dans l'adversité. Desperado, laisse les ragots dire que tu t'es même mis le destin à dos. Respect à ton entourage si tu portes. Moi c'est pas pour une bécadille qu'on va me virer du loft. Come on, tu reconnais yo. C'est fucked up être pauvre. Quand le soleil se lève, mon collègue s'appelle Vodka Red Bull. Tu tombes dans le jeu, c'est le son de banlieue. Lève le volume parce que c'est comme ça qu'on se comprend mieux. Yo, tu savais qu'on allait jamais s'arrêter. Mais quand ils parlent de rap à ce temps, c'est juste une question de marketing. J'ai parlé vite, on veut pas juste du pain et des jeux. Y'en a beaucoup qui savent que T-Pain c'est dégueu. MC Beatmaker, j'veux vivre des deux. Pump kill avec un tot pills comme Heath Ledger. Des vrais amis, t'en as pas beaucoup. Mais c'est la vie à rester seul. J'réalise que c'est moi-même que j'pénalise. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite. C'est pour ça que je laisserai jamais tomber. Sur les doigts de main, je veux les compter. J'imagine que t'es pas content que je vois de retour le CC. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite. C'est pour ça que je laisserai jamais tomber. Sur les doigts de main, je veux les compter. Le mic comme un porte-voix, je suis prêt pour n'importe quoi. Jamais j'ai baissé la tête. Je croyais juste que j'avais que des rêves. Mais ça a l'air. Quand je suis réveillé, je vis dans la même optique que si on me kill dans l'arène. Dis-toi que c'était pas real. Comme qui protège mon territoire, c'est ça le délire. J'te ghost street, j'vais pas des cités d'or. J'ai des tonnes, cités noires. Hustle ce qui se révolte, jeune feeding du playboy. Faut se calmer avant que tes conneries te destroy. J'connais les lois, c'est poche, mais des fois, j'dois les contourner pour retrouver ma mauvaise étoile. Les paroles de mes albums créent des situations compromettantes. Si jamais un jour je vis du rap, on va me descendre. À force de penser au pire, on rêve de s'en aller au loin. Ou d'arranger nos vies comme un refrain de Lil Wayne. J'veux réussir tout ce que j'entreprends. Y'a